Joassin, on t'a lutté corrosif. Paradox, personne ne vaut un check ça. Sur la route du malheur, j'ai jamais trouvé le bonheur. J'aurais voulu être un gars parfait, mais on a tous des défauts. Pour info, y'a trop d'infos au micro, donc je crois que je vais continuer en solo sur ma route pour aller à Chicago. Et par la suite de ma vie, aller à Miami pour pas payer d'impôts. Car en France, la vie coûte trop cher. Demande à Duran, c'est toujours la même guerre. J'ai besoin de prendre un bol d'air, car la vie elle pue des pieds. Si je serais connu, tout le monde me lècherait ma ce big loup. La vie roule et la roue tourne comme au jeu du millionnaire. La vie est trop éphémère et la vie ma mère coûte encore plus cher que ta terre. 1, 6, 0. J'ai fait des choses mal, je fais les choses illégales mal. Pour avoir de la maille, j'aimerais avoir du travail, mais la société nous jette dans les entrailles. J'ai fait des choses mal, je fais les choses illégales mal. Faut que je hisse les vagues, car le chétan nous bouffe comme une canaille à la poêle. J'ai fait des choses mal, je fais les choses illégales mal. Pour avoir de la maille, joue à zère, mentalité ouais. Corrosive. On va pas lâcher l'affaire, on reste mal. Quand j'étais petit, je croyais que la vie était facile. Maintenant j'ai grandi, les racines de cette vie me fascinent. Obligé d'être sous l'effet de la résine pour plus voir les faux qui me calcinent. Maintenant je me laisse plus marcher sur les pieds, j'écrase celui de la voisine. Le monde est grand et souvent constitué de choses qui n'est pas relatif. Je plante de belles capucines pour qu'elles finissent mortes dans cette usine. Ma vie n'est pas rose, le monde me regarde d'un regard du monde. Inch'Allah qu'un jour tu toucheras mon malheur, et que moi au passage j'arracherai ton bonheur. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Mais pourquoi le malheur tombe toujours sur moi? J'ai fait des choses mal, je fais les choses illégales mal. Pour avoir de la maille, j'aimerais avoir du travail, mais la société nous jette dans les entrailles. J'ai fait des choses mal, je fais les choses illégales mal. Faut que je hisse les voiles, car le chétan nous bouffe comme une canaille à la poêle. J'ai fait des choses mal, je fais les choses illégales mal. Pour avoir de la maille, joue à zère, mentalité corrosive. On reste halte.